Page 87. Activité 7. Piste 77. C'est mardi, le matin. Nous avons 2 heures de vietnamien et 2 heures de maths. L'après-midi, nous avons 1 heure d'art plastique et 1 heure de français.